Donc, ça se passait vendredi. C'était un peu comme une chorégraphie à laquelle on assiste, je vous dirais, chaque année. La Régie du logement qui dévoile son taux d'augmentation des loyers pour 2014. Augmentation qui varie entre 0,6% et 1,1%. L'Association des propriétaires trouve que c'est largement insuffisant. Elle propose à ses membres de ne pas écouter la Régie. On va débattre de ça avec Gabriel Nadeau-Dubois et Lise Ravary. Bonjour tous les deux. Bonjour. Est-ce que les propriétaires, Lise, ont raison d'être mécontents? Êtes-vous propriétaire, locataire? Je suis locataire par choix. Et une des raisons pour lesquelles je suis locataire par choix, c'est que, en bon québécois, je ne voulais plus me badrer de locataire. OK. Vous l'avez déjà été. Je l'ai été. J'ai trouvé ça un peu pénible. Vous êtes locataire aussi? Pas tout le temps, mais assez souvent. Donc, est-ce que les propriétaires ont raison? Bien, moi, je pense qu'il faut remonter un petit peu plus loin. Et vous avez raison, Annie, quand vous dites qu'à chaque année, on a le même rituel. La méthode de calcul de la Régie du logement remonte à 1980. Elle n'a jamais été revue. Bon. Ce que les propriétaires disent, c'est qu'elle ne correspond plus à la réalité du marché locatif d'aujourd'hui. Ils donnent, par exemple, et je pense que c'est un exemple qui se tient, remplacer un toit, par exemple, quelque chose que tu dois faire à peu près aux 15-20 ans, ouais. Ben avec les augmentations permises par la Régie, ça prend 30 ans pour le payer. Donc, il y a... C'est, quand on est propriétaire et qu'il faut qu'on mette 15 000 $ sur la table pour payer un toit, ça résonne chez le propriétaire et ça, je le comprends. Au Québec, les logements sont 22% en moyenne moins chers que dans la moyenne canadienne. Alors, déjà, en partant, c'est sûr que la Régie du logement a eu un effet à la baisse sur les prix. Mais les revenus sont aussi... Les revenus sont aussi plus bas. Ouais. Mais là où ça crée une distorsion d'avoir un certain contrôle des prix, là, je suis pas contre l'idée d'avoir un contrôle des prix, ou du moins un organisme de surveillance, c'est que on en arrive à un point où les gens ne veulent plus construire d'immeubles locatifs parce que, premièrement, ils peuvent pas, ils perdent une certaine marge de manœuvre par rapport à ce qu'ils peuvent charger. C'est pas ce que le marché va soutenir, c'est ce que la Régie va décider. Et c'est de plus en plus difficile. Donc, on se retrouve avec quoi? Un parc locatif en mauvais état, parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas d'argent pour rénover, un parc locatif en diminution. Pendant ce temps-là, on le sait, on construit des condos qui, eux, coûtent cher quand le temps vient des louer. C'est le marché du locatif est important au Québec et à Montréal, et malheureusement, on n'est pas dans la mouvance de ce qui serait nécessairement le mieux pour l'ensemble des citoyens. Donc, ils ont, à vous entendre, raison d'être mécontents. De questionner, en tout cas. Questionner. Gabriel. Il y a deux problèmes avec ce que vous avancez, Lise, ce matin. Premièrement, c'est que pour le pourcentage qui a été annoncé vendredi par la Régie du logement est un pourcentage qui ne tient pas en compte les hausses de loyers qui peuvent être demandées par les propriétaires s'il y a des rénovations. Qui est 2,6%. Donc, c'est pas le même chiffre. Et ça ne comprend pas non plus les augmentations de loyers qui peuvent être faites par les propriétaires s'il y a des augmentations de taxes municipales. Ce qui veut dire que la très grande, vaste majorité des logements au Québec vont augmenter de plus que de ce 0,8% en moyenne, surtout considérant que les propriétaires appellent leurs membres à désobéir aux recommandations de la Régie. Moi, je ne m'inquiète pas du sort des propriétaires au Québec, je m'inquiète beaucoup plus du sort des locataires, parce que depuis les années 2000, les loyers à Montréal particulièrement, ils ont explosé et les chiffres parlent beaucoup. À Montréal, on parle de 31% d'augmentation des loyers depuis les années 2000. Pour les logements avec deux chambres, on parle de 43% d'augmentation. Inutile de vous dire que les revenus des locataires à Montréal n'ont pas augmenté de 43% dans les 13 dernières années. Au contraire, ils ont augmenté de seulement 19%. C'est moins que la moitié. Qu'est-ce que ça veut dire, ces chiffres-là? Ils nous donnent un portrait très clair. C'est que se loger à Montréal, particulièrement pour les familles qui ont besoin souvent de deux chambres ou plus, c'est de plus en plus difficile. Ce qui fait que, de manière générale, c'est les ménages défavorisés qui écopent et qui ont le choix soit d'accepter les hausses de loyer, soit de déménager pour s'entasser dans des logements de plus en plus petits. Et ça existe à Montréal. Il faut le rappeler, se loger, c'est pas un luxe, c'est pas... c'est pas un bien superflu. C'est dans les droits de l'homme. C'est dans les droits fondamentaux. Oui, oui. de l'UNESCO d'avoir le droit d'avoir un logis salubre et sécuritaire. Et ça, en ce moment, il y a des milliers de familles amorales qui ne l'ont pas. Mais en même temps, si on veut acheter un logement locatif, ça aussi, ça augmente. Le prix des maisons bien à Montréal sûr. A augmenté énormément. Fortiori, c'est encore plus difficile en fait, pour ces familles-là. Les gens achètent de plus en plus et les gens qui achètent vivent dans leur logement au lieu de les louer à cause... C'est difficile d'être propriétaire et avoir des locataires. Tu peux avoir, moi j'aurais sûrement 80% des locataires sont très corrects. Mais le 20% qui vraiment vient gâcher la vie des autres, je dois vous le dire, je vais vous raconter. Oui, ça, on je sent que c'est teinté par votre expérience. Mon expérience à moi, c'est que à tous les premiers du mois, mon locataire, qui est un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, il est pas là, il est parti, on le trouve pas. Lui, là, le logement, ça se paye le 15 à peu près. Refuse, lui, de descendre l'escalier pour venir me porter le chèque. Et il me le tient en haut de l'escalier en l'agitant, en disant « J'aimais tellement mieux avoir un homme comme propriétaire. » Alors, c'est sûr que... après ça vient teinté. Des imbéciles, il y en a toujours. Non, je veux juste montrer que... les gens qui sont des locataires difficiles ne sont pas nécessairement des gens qui ont des problèmes financiers. C'est vrai, ça c'est vrai. Hein? Je pense que ça c'est important. Vous disiez, Gabriel, on parlait du revenu. C'est sûr qu'on peut faire une guerre de chiffres, mais moi, je n'ai pas les mêmes chiffres que vous. C'est les chiffres de la SCHL qui sont sortis en décembre dernier, décembre 2012. Moi, j'ai les statistiques. J'ai les chiffres de l'Institut de la statistique du Québec qui indiquent que le revenu des locataires après impôts depuis 1996, alors on fait sur 15 ans au lieu de 10 ans, a augmenté de 50%. Ben, écoutez, Institut de la statistique du Québec, alors je ne sais pas. Mais je pense qu'on oublie une chose. La Régie du logement, avec tout ce qu'elle a de bon, je le concède, a malheureusement aussi créé peut-être une attitude de confrontation. Que tous les propriétaires, c'est des écœurants, puis que tous les locataires, ce sont des victimes. Le meilleur propriétaire et le meilleur locataire sont ceux qui s'entendent. J'ai un propriétaire extraordinaire. Même s'il me demande, je ne sais pas combien il va me demander, là, on ne sait pas parler de ça. Ouais. S'il me demande un petit peu plus que 0,9 ou 1,1, ça va me faire grand plaisir de le payer. Parce que quand je l'appelle, parce il y a que problème. Vous en avez les moyens, mais il y a beaucoup de familles à Montréal en ce moment. Non, mais je parle de la classe moyenne. Je sais de payer une augmentation, mais ce n'est pas ces gens-là en ce moment qui mais sont dans la classe moyenne. En ce moment, classe à Montréal, moyenne. Il y a 20 000 ménages qui sont sur la liste d'attente pour un HLM. Ça, c'est 20 000 mais familles. Mais ça, c'est un autre dossier, c'est ça. Ben, ça, on ne construit pas assez de logements sociaux. C'est des gens en ce moment qui sont dans des logements plus chers, qui sont au-dessus de leurs moyens. Ils accordent 30, 50, parfois 80 % de leurs revenus mensuels à leur loyer, ça leur laisse très peu pour le reste de leurs dépenses. Il y a des gens aujourd'hui à Montréal qui s'appauvrissent à cause de raisons liées au logement. Et ça, c'est un problème parce que pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait à Montréal? On construit des condos. On en construit à la pelletée. Et ces condos-là restent vides. Ils restent vides parce que c'est de la spéculation immobilière purement et simplement. Mais en 2012, à Montréal, il y a eu 650 logements locatifs de construits, 6 000 condos. C'est 10 fois plus. Ce n'est plus payant de construire des immeubles locatifs. Il faut casser... Et c'est pour ça qu'il faut avoir des logements sociaux publics. Mais là, on ne parle pas des logements sociaux, on parle des loyers. Ouais. Mais on parle du logement à Montréal. Moi, je parle de la classe moyenne. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord avec le logement social et qu'on en construise, il n'y en a pas assez. Mais la classe moyenne... C'est pas tout le monde qui pourra avoir... Non, non. Il faut casser cette mentalité de méchant, bon et de conflit parce que c'est pas comme ça qu'on va. Je suis désolé, Lise, encore une fois, vendredi dernier, il y a une partie ici qui avait un ton agressif et qui était dans qui se scandalisait. C'était les propriétaires, les locataires les associations de locataires ont salué l'annonce et ce sont les propriétaires qui ont demandé à leurs membres, quand même, c'est pas rien, de désobéir à la Régie du logement. Et après ça, on se demande pourquoi la Régie est engorgée. D'abord, ce n'est pas une désobéissance, ce sont des suggestions que la Régie fait, ce ne sont pas une imposition. Ils ont des recommandations. Puis, mais aussi... 8 à 10 propriétaires au Québec, ce ne sont pas des grands immeubles et des corporations, ce sont des propriétaires de duplex et de triplex, ce sont des individus. Ça, c'est sûr. Donc, c'est plus facile de s'entendre avec un individu, mais la bonne entente, quand c'est un méga complexe, comme Hugo Lavoie nous présentait dans son reportage, c'est pas facile. Ouais. Gabriel Nadeau-Dubois, Lise Ravary, merci à tous les deux. Vous.